Ok, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence maintenant le cours numéro 41 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui s'intitule Kitab al-Tawhid. Et c'est avec les commentaires du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, le petit-fils du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dans son commentaire de ce livre qui s'intitule Qurrat Uyun al-Muwahidin, donc le commentaire de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, et sur ses commentaires à lui, le Cheikh Saleh al-Fawzan a rajouté d'autres commentaires et d'autres clarifications pour rendre le livre encore plus bénéfique. Et donc, il a intitulé ce commentaire At-Ta'liq al-Mukhtasar al-Mubin. Ala qurrati uyun al-muwahhidin. Donc le commentaire résumé clair sur le livre Qurrat uyun al-muwahhidin. Hein? Et Qurrat uyun al-muwahhidin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans le sens de la perle des yeux des gens du monothéisme. Hein? La perle des yeux des gens du monothéisme, en voulant dire que ce livre, hein, c'est comme une perle, hein, pour les gens du tawhid, hein. Quand ils lisent ce livre-là, ils en profitent beaucoup. Il y a beaucoup de bienfaits dedans. Ok, on est arrivé à un chapitre nouveau, hein, depuis la semaine passée, ou pas la semaine passée, mais le dernier cours plutôt. Et c'était avant l'Aïd. On avait commencé le chapitre 3 qui s'intitule Babun fi Babun man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannah bighayri hisab. Celui qui purifie son tawhid, il entrera au paradis sans jugement ni châtiment. On a expliqué un petit peu l'introduction puis le titre et pourquoi le cheikh il a placer ce chapitre à cet endroit, puis c'est quoi le but de ce chapitre. On a expliqué tout ça au dernier cours. Maintenant, on va expliquer le premier verset que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné. Dans ce chapitre, il parle il a cité deux versets de Coran et un hadith. Donc le premier verset, c'est le verset 120 dans sourate An-Nahl. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikin. Hein? Donc on va lire l'explication de ce verset là en premier, puis la suite. Hein? On continue donc à partir de cet endroit là, on va continuer le tafsir donc de ce verset là. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit ici فدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك والبراءة منه وممن فعله يعني إنما يوجد بترك الشرك والبراءة منه وممن فعله كما تقدم في الباب قبل هذا وقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Donc ici le cheikh il explique que le verset, hein, dont on parle maintenant, le verset dans sourate An-Nahl, le verset 120, certes Abraham était un modèle dans l'obéissance vis-à-vis d'Allah. C'était un hanif, quelqu'un qui se penchait naturellement vers l'adoration d'Allah exclusive et se détournait, hein, naturellement du shirk et des idoles. Et il n'était point du nombre de ceux qui pratiquent le shirk et qui font du shirk. Et donc ce verset-là, qui est un grand verset, yani, il nous prouve et il indique que wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, que la perfection de la purification et de la pureté dans la religion et dans le tawhid, il se trouve uniquement dans le fait de délaisser et d'abandonner le shirk et de se désavouer du shirk et de se désavouer également de ceux qui font le shirk. Hein? Donc si quelqu'un, par exemple, il fait pas de shirk en lui-même, mais il se désavoue pas du shirk des autres, alors, dans ce cas-là, il n'a pas établi le tawhid, il n'a pas établi al-ikhlas. Il faut qu'il se désavoue du shirk lui-même, que les autres pratiquent, et de tous ceux qui le pratiquent aussi, des pratiquants du shirk, c'est-à-dire des idolâtres et des mushrikin de façon générale. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit, comme nous l'avons expliqué, avant, hein, dans le chapitre avant cela. Donc, on a déjà parlé de ça dans les points précédents. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit: فالإخلاص يعني إفراد الله عز وجل بالقصد والنية والبراءة من المشركين. Donc, le fait d'avoir l'ikhlas, qui veut dire d'avoir la pureté dans l'adoration et dans le tawhid, hein, dans l'adoration d'Allah, eh bien, ça consiste justement à rendre notre adoration et nos intentions exclusives à Allah seul. Et de purifier nos intentions et nos objectifs et nos intentions et notre volonté et également nos actions et nos œuvres, les purifier de toute forme de shirk pour qu'elles soient exclusives à Allah et de se désavouer des mushrikines. Ensuite, le cheikh, il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 120 dans Surat An-Nahl, hein, certes, Abraham était un modèle à suivre dans l'obéissance d'Allah et c'était un hanif. Hein. Il se tournait vers Allah seul et il se détournait du shirk. Et il n'était point du nombre des mushrikines. Shakiran li an'umihi. Il était reconnaissant envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit: Hada qawlul mu'allif rahimahullah, bab man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannah bila hisabin wala 'adhab. Wa qawlullahi ay wa bab qawlillahi, ay wa bab qawlillahi ta'ala. ويصلح الرفع وقول الله يكون معطوفا على باب إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. هذه صفات إبراهيم عليه السلام الذي هو القدوة وهو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ذكر الله له خمس صفات. Ok, donc ici le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il explique que le titre de ce chapitre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le chapitre au sujet de la purification du tawhid et que celui qui l'a purifié. Il l'a purifié de quoi? Il l'a purifié de toute forme de shirk, de toute forme de kufr, de toute forme de bid'a, de toute forme de péché majeur, de toute forme de péché mineur. Hein? Donc, il a parfait son tawhid, il a complété son tawhid. Il entrera au paradis sans jugement ni châtiment. Et le cheikh, il explique que ce chapitre-là, donc, il vient rajouter un autre point par rapport au chapitre précédent. Le chapitre précédent, c'était le fait que le tawhid c'est quelque chose qui expie les péchés. Donc, celui qui meurt sur le tawhid, du moment qu'il n'a pas commis de shirk, même s'il a commis des grands péchés, s'il rentre en enfer, il ne va pas y rester éternellement. Hein? Maintenant, on dit que, tandis que celui qui parfait son tawhid, c'est-à-dire qui meurt, et qui s'est repenti de tous les grands péchés, de tous les petits péchés, de toutes les innovations, s'il meurt sur un tawhid et, complet et parfait, dans le sens qu'il meurt en s'étant repenti de tout péché avant sa mort, et qu'il est obéissant, et dans l'exemple de Ibrahim, par exemple, qui, lui, était un serviteur pieux et obéissant d'Allah, Hein? Il a vraiment complété la réalité et la signification du tawhid dans les points les plus importants et dans les détails aussi de la religion. Donc, celui qui est dans cet état-là, il a complété son tawhid. Et lui, quand il meurt, celui qui est dans cette situation-là, eh bien, il va rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Hein? Donc, c'est un degré encore plus élevé que celui qu'on a mentionné plus tôt. Et le cheikh, il explique ici que maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a mentionné quelques caractéristiques à propos d'Abraham. Et il a mentionné en particulier cinq caractéristiques. La première caractéristique, il dit d'Abraham que c'est une umma. Le deuxième, qu'il est qanitan, hein, qanit. Le troisième, qu'il est hanif. Le quatrième, qu'il n'est pas du nombre des mushrikines. Donc ça, c'est le quatrième. Et le cinquième, shakiran li an'umihi, reconnaissant envers ses grâces. Donc ces cinq caractéristiques qui sont mentionnées dans le verset à propos d'Abraham, on va les détailler. Il dit, le cheikh, donc, il va expliquer chacune de ces caractéristiques en détail, qu'est-ce qu'elles signifient. Et ça veut dire que ces caractéristiques-là, parce que Abraham, c'est celui qui a été décrit comme étant un modèle pour nous, un imam parmi les monothéistes et le père des prophètes, parce que beaucoup de ses enfants ont été des prophètes, ou bien plutôt parmi les prophètes qui sont venus après lui sont descendus de sa génération, de sa généalogie, de sa famille. Ok, la première caractéristique, as-sifatul ula, Allah il dit qu'il est une umma. Donc le cheikh il dit as-sifatul ula annahu kana ummatan. Wal ummatu ma'nahu al-qudwatu. Fal ummatu wal imamu bima'nan wahid. Ay al-qudwatu. Qala ta'ala wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. يعني قدوة في الخير وقيل معنى كان أمة أنه أول من بعثه الله ولم يكن على وجه الأرض مؤمن بل كان وحده على الإيمان والتوحيد وكان غريبا في وجه الأرض فلذلك جعله الله أمة أي يقوم مقام أمة. طيب دوك Le cheikh il dit, يعني قدوة في الخير وقيل معنى كان أمة أنه كان أول ما بعثه الله لم يكن على وجه الأرض مؤمن بل كان وحده على الإيمان والتوحيد فكان غريبا في وجه الأرض فلذلك جعله الله أمة أي يقوم مقام أمة. Donc le cheikh il explique ici que la première caractéristique qui est mentionnée à propos d'Abraham dans ce verset-là, c'est que c'est une umma. Il était une umma. Et le mot umma, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en général, on le traduit par une nation, hein? Une nation, un peuple. Donc, ça c'est une des significations du mot umma. Mais le mot umma peut aussi signifier al-qudwa. Al-qudwa, ça signifie quelqu'un qui est un modèle, un exemple à suivre. Donc, Abraham était un modèle à suivre, un exemple pour nous. Et donc ici, c'est dans le même sens que le mot imam. Ok? Umma, dans le même sens que le mot imam. Et pourquoi le cheikh il dit que c'est le même sens que le mot imam? Parce que dans le verset 124, dans Sourate Al-Baqarah, il y a ce terme qui est mentionné pour désigner Abraham. Allah subhanahu wa ta'ala dit qala inni ja'iluka lin-nasi imama. C'est-à-dire Allah il dit à Abraham, je veux faire de toi un imam pour les hommes. Donc il explique ici que le mot umma dans le verset de 120 de sourate An-Nahl, c'est dans le même sens que le verset 124 dans sourate Al-Baqarah lorsqu'il dit de lui que c'est un imam, hein, inni ja'iluka imaman, hein, inni ja'iluka lin-nasi imaman, yani qudwatan fil khayri. On va faire de toi un exemple dans le bien, un imam pour les gens, un guide. Et il dit, Et d'autres parmi les savants ont mentionné que le mot umma pouvait également dire une nation. Que Abraham était en lui-même une nation. Pourquoi? Parce que à l'époque où Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé sur terre, il n'y avait pas personne d'autre qui croyait en Allah excepté lui. Et donc c'était lui seul qui était sur la foi et sur le tawhid. Et donc il était étranger sur terre. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui une nation. C'est comme s'il remplaçait une nation à lui seul. Hein? Il avait la valeur d'une nation à lui seul. La deuxième caractéristique qui est mentionnée dans le verset, il dit As-sifatu thaniya qanitan lillahi wal qunut huwa al-thabat ala ta'a ay thabitan ala ta'atillahi wa mudawiman alayha wa adamu at-tazahzuh anha li ayyi gharadin kan la min at-tahdidat wala من المغريات فلا يتأثر بالمغريات فيترك الطاعة ولا يتأثر بالتهديدات والوعيد من المخالفين فيترك طاعة الله بل هو ثابت عليها والقنوت في اللغة الثبوت والدوام أما الذي يتزعزع ويتأثر مع الأحداث ويتحول عن العبادة وعن الطاعة مع أول صارف من شهوة أو شبهة أو تهديد فهذا ليس قانتا لله فهذا ليس قانتا لله. Le Cheikh il dit la deuxième caractéristique quand on parle ici de Abraham dans le verset c'est qu'il était qanitan lillah. Donc qanit, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est qanit? Ça vient du mot qunut en arabe. Et al-qunut, ça signifie la fermeté dans l'obéissance. Donc, ce n'est pas seulement d'être obéissant, mais c'est d'être ferme dans notre obéissance, d'être constant dans notre obéissance à Allah. Donc, Abraham était un homme constant et ferme dans son obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il était constant dans le sens qu'il continuait tout le temps son adoration. Il ne se laissait pas troubler par les événements. Il ne se laissait pas troubler par les menaces des opposants. Il ne se laissait pas non plus troubler par les tentations et les distractions. Des tentations et des distractions. Donc, il ne se laissait pas affecter par quoi que ce soit et il n'abandonnait jamais l'obéissance d'Allah. Et donc, les menaces des opposants n'avaient aucun effet sur lui, hein, pour l'amener à abandonner l'obéissance d'Allah. Plutôt, il était ferme, il était constant. Et c'est ça la signification du terme al-qunut. Dans la langue arabe, ça veut dire al-thubut wa al-dawam. Al-thubut, c'est la fermeté, wa al-dawam, c'est la constance. Le fait de rester toujours, de faire quelque chose de façon constante et permanente. « Wa amma alladhi yatazaza'a » Donc celui qui se laisse troubler, hein, et qui se laisse perturber par les événements et par les situations, et qui cesse d'adorer Allah ou qui diminue son adoration d'Allah et son obéissance à la moindre tentation ou à la moindre ambiguïté ou à la moindre menace, il laisse l'adoration, alors lui, il n'est pas qanit. Celui qui agit comme ça, il n'est pas qanit. Hein? Il n'est pas ferme et constant dans son adoration. Est-ce que Ibn Taymiyyah, on peut dire de lui qu'il est umma? Yani, c'est sûr que Ibn Taymiyyah, hein, il fait partie des grands imams de la religion. Et c'est pour ça qu'on dit de lui l'imam, hein, l'imam Ibn Taymiyyah. Et on dit aussi de lui le Cheikh al-Islam, donc le Cheikh de l'Islam de son époque. Hein, et même par rapport à plusieurs époques, c'est un des grands imams dans la religion. Donc oui, il était qanit, hein, et il était imam dans la religion, mais pas comme Abraham. parce que Abraham c'est un prophète, tandis que Ibn Taymiyyah c'est un savant, c'est pas un prophète, d'accord? Naam. Le point numéro 3, as-sifatu thalitha hanifan. Donc la troisième caractéristique d'Abraham, c'était qu'il est hanif. C'était un hanif. Le cheikh il dit al-hanif huwa al-muqbil 'ala Allah bi jami'i qalbihi wa wajhihi والمعرض عما سواه هذا هو الحنيف وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. Donc la religion d'Abraham c'était الحنيفية. Et le fait d'être un hanif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te tournes vers Allah avec tout ton cœur et tout ton être. Tu te tournes entièrement vers Allah seul. Et tu te détournes de tout ce qui est en dehors de lui. Et c'est ça d'être un hanif. Et c'est pour ça qu'on appelle la religion d'Abraham al-hanifiyya. Hein? La religion hanifiyya, parce que c'est ça la religion d'Abraham. De se tourner uniquement vers Allah et de se détourner de tout ce qui est en dehors de lui. Et de tout ce que les autres adorent en dehors de lui. La quatrième caractéristique, as-sifatu rabi'a. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Il n'était point du nombre des mushrikines. أَنَّهُ كَانَ يَتَبَرَّأْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى كَوْنِهِ أُمَّةً قَانِتًا وَحَنِيفًا بَلْ كَانَ يَتَبَرَّأُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ وَأَنَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ هذه من أصول العقيدة البراءة من المشركين. Donc le cheikh il explique ici que la quatrième caractéristique par rapport à Abraham qui est mentionnée dans ce verset, c'est qu'il ne faisait point partie du nombre des idolâtres. Et yani ça veut dire quoi? Ça veut dire que il se désavouait de ceux qui pratiquent le shirk, ceux qui adorent en dehors d'Allah des idoles ou des personnes, des prophètes ou des anges, ou qui adorent des objets comme des arbres ou des pierres ou des tombes, ou qui adorent des créatures célestes comme la lune, le soleil, les astres, les étoiles, ou qui adorent des esprits comme les djinns, ou qui adorent des choses invisibles comme les anges ou des djinns, ou des, peu importe, tous ceux qui adorent quelque chose en dehors d'Allah, Abraham il se désavoue d'eux, hein, il se désavoue d'eux, il s'est même désavoué de son propre père, hein, et de son peuple. Donc il ne prenait pas, par exemple, il ne va pas se dire par exemple, bon, ça c'est mon peuple. Hein, c'est mon peuple, c'est mes proches, c'est mon père. Je ne peux pas me désavouer de lui parce que c'est mon père ou des choses comme ça. Non, il se désavoue de tous ceux qui font le shirk, peu importe leur lien, le lien qu'il a avec eux, peu importe que ce soit des gens de son peuple. Hein. Donc, par exemple, tu vas dire, bon, Abraham, il est d'origine de Babylone. En Perse, pas en Perse, mais en Irak. Donc, Babylone, c'est la ville qui est devenue aujourd'hui Bagdad. Bagdad, qui existe maintenant en Irak, c'est là que Abraham vivait. C'est là qu'il a grandi. C'était qu'est-ce qu'on appelle la Babylone. Hein? Babylone, c'est Bagdad. Il n'a pas dit, ah, oh, moi, ça, c'est mon peuple. Et puis, peu importe qu'est-ce que mon peuple fait. Bon, moi, je suis avec mon peuple. Et puis, je défends mon peuple. Et je suis d'accord avec eux. Et puis, je suis avec eux dans qu'est-ce qu'ils font, leur religion. C'est notre peuple. C'est notre patrie. C'est notre drapeau. C'est notre origine. On doit défendre ça. Hein? Non. C'est pas ça qui est. C'est pas ça la da'wa d'Abraham. La da'wa d'Abraham, c'est l'appel au tawhid. Et le fait de se désavouer du shirk, et non seulement de se désavouer du shirk lui-même, mais de tous ceux qui font le shirk, même s'ils font partie de son peuple. Hein? Donc ça veut dire que notre attachement à notre croyance et notre attachement au tawhid, il est plus cher pour nous et plus important pour nous que tout autre attachement matériel et que tout autre attachement à la dunya et que tout autre attachement patriotique ou nationaliste ou de citoyenneté ou de peu importe quelle autre chose. Hein? Notre croyance en Allah est la précédence et elle est au-dessus de tout autre attachement. Si quelqu'un il a dans son cœur un attachement à quelque chose et il place cette chose au-dessus du tawhid d'Allah, alors il y a un problème dans son tawhid, il y a un problème dans sa foi. Naam. Donc, aujourd'hui, tu vois que dans certains pays maintenant, et comme c'était à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les mouchriquins, ils ne voulaient pas que le prophète appelle au tawhid. Hein? Ils ne voulaient pas que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, appelle au tawhid. Donc, ils voulaient interdire le tawhid. Ils voulaient interdire le tawhid. Ils ont dit au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, on te donne qu'est-ce que tu veux. Si tu veux des femmes, on te donne la plus belle femme. Si tu veux de l'argent, on te donne tout notre argent. Si tu veux être roi, on te donne le poste là, ou la position, le titre de roi. Hein? Tu vas être le roi des Arabes. Hein? Si tu veux, peu importe, on te le donne. Mais arrête d'appeler au tawhid. Arrête d'enseigner le tawhid. Hein? Arrête de critiquer l'idolâtrie. Arrête de critiquer les idoles. Hein? Respecte nos idoles, respecte notre religion, la religion de nos ancêtres, l'adoration des idoles. Arrête de critiquer ça. Hein? Si tu veux prier, prie. Ça ne nous dérange pas. Tu veux prier, prie. Tu veux jeûner, jeûne. Hein? Tu veux faire ce que tu veux. Ça ne nous dérange pas. Mais parle pas du tawhid et critique pas nos idoles et parle pas contre notre religion et nos coutumes et nos pratiques. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a accepté ça? Il a dit non. Il dit, même si vous mettez la lune dans ma main droite et le soleil dans ma main gauche, que vous me donniez qu'est-ce que vous voulez, je ne vais jamais arrêter cette da'wah jusqu'à ce que je meure. Donc, peu importe qu'est-ce qui peut arriver de la part des koufars, que ce soit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou aujourd'hui, c'est la même chose. Nous, on a hérité, en tant que musulmans aujourd'hui, on a hérité de la mission du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens qu'on a la responsabilité de transmettre sa religion aux autres et de l'enseigner aux hommes. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي » dit « Ô Muhammad, voici ma voix. J'invite à Allah. J'appelle à Allah. Moi et ceux qui me suivent. » C'est-à-dire, moi j'appelle à Allah et ceux qui me suivent appellent à Allah aussi. Donc si tu fais partie de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois aussi, toi, appeler au tawhid. Hein? Apprendre le tawhid pour être capable de l'enseigner et d'appeler les autres à le suivre aussi. « Wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin » et que Allah soit purifié et exalté de tout ce que les mushrikins peuvent lui associer ou lui attribuer. Et je ne suis point du nombre des mushrikins, c'est-à-dire je me désavoue des mushrikins. Tous ceux qui font le shirk, je n'ai rien à voir avec eux. C'est-à-dire, même s'ils sont de la même origine que moi, ou même s'ils sont de la même couleur que moi, ou même qu'ils parlent la même langue que moi, ou même s'ils sont dans le même lieu géographique que moi, ou peu importe, même s'ils ont la même citoyenneté que moi, ou la même nationalité que moi, du moment qu'ils ne sont pas des gens qui croient au tawhid, et qui appliquent le tawhid, hein, et du moment que c'est des gens qui font du shirk, eh bien je n'ai rien à voir avec eux. Je me désavoue d'eux. Hein? Je me désavoue d'eux. Et ça, c'est l'obligation pour le croyant, hein, peu importe où il est et peu importe l'époque dans laquelle il vit, il doit respecter cet aspect-là qui est une des caractéristiques les plus importantes de celui qui applique et qui suit l'exemple des prophètes et qui suit l'exemple d'Abraham. Il dit dans ce point-là, le Cheikh Al-Fawzan, il explique que Ibrahim alayhi salam, il se désavoue des mouchriquins et il dit, c'est pas suffisant pour Abraham de se limiter à être un modèle et d'être persistant et ferme dans son obéissance et d'être hanif, hein, de se tourner uniquement vers Allah et de se détourner des idoles et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. En plus, il se désavoue de tous les mouchriquins. Et il dit, je ne suis point du nombre des mouchriquins, je ne suis point du nombre des idolâtres, je ne suis point du nombre des juifs, ou du nombre des chrétiens, ou du nombre des gens qui adorent les idoles, du nombre des bouddhistes, ou du nombre des hindous, ou du nombre des athées, hein, ou du nombre des matérialistes, ou ainsi de suite, yani, peu importe. Je ne suis point du nombre de ces gens-là, je n'ai rien à voir avec eux. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Je ne suis pas du nombre des mushrikines. إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ Je me désavoue de ce que vous associez avec Allah, hein, et de ce que vous donnez à Allah et de ce que vous attribuez à Allah comme partenaire. Je me désavoue de ça. Et ça, c'est un fondement dans la croyance de l'islam. Alhamdulillah. Donc c'est un fondement dans la croyance de l'islam que de se désavouer des mouchriquins. Ensuite, le cheikh il dit comme cinquième caractéristique, as-sifatul khamisa, shakiran li'an'umihi, annahu yashkuru ni'mata Allahi alayhi, wala yatakabbaru biha, wala yafkhar biha. ولا ينسى ربه كما يفعل كثير من الخلق الذين إذا أنعم الله عليهم اغتروا وبطروا وتكبروا على الناس وتجبروا ما زادته نعم الله إلا شكرا وتعبدا لله عز وجل فمن اتصف بهذه الصفات فقد حقق التوحيد نعم فأعرض نفسك على هذه الصفات إن توفرت فيك فأنت قد حققت التوحيد فأبشر بوعد الله عز وجل وإن كان عندك تقصير فيها أو خلل فعليك بالتوبة ولا تقنط من رحمة الله وصد الخلل وأصلح النقص والله يتوب على من تاب. Donc ici le cheikh explique la dernière des caractéristiques qui sont mentionnées dans le verset à propos d'Abraham, c'est qu'il était shakiran li'an'umihi. Al-an'um, c'est le pluriel de ni'ma. Ni'ma qui veut dire la grâce, hein, la grâce d'Allah. Et donc, Abraham était shakir. Shakir, ça veut dire reconnaissant. Ça vient du mot shukr. Shukr qui veut dire remercier. Hein? Et donc, il était reconnaissant. Hein? Il remerciait Allah, il était reconnaissant envers Allah pour ses grâces. Hein? Les grâces que Allah lui donne. Ça veut dire qu'il n'était pas orgueilleux. Il n'était pas orgueilleux et il n'était pas fier et arrogant. Et il n'oubliait pas son Seigneur. C'est comme certains, par exemple, lorsque Allah leur fait une grâce, ils deviennent fiers et orgueilleux, arrogants, ils oublient Allah. Hein? Ils oublient de le remercier et d'être reconnaissant et de lui obéir. Donc, au lieu d'être reconnaissant, ils utilisent les grâces d'Allah pour désobéir à Allah. Et ça, c'est grave. Hein? Ça, c'est de l'ingratitude. Et il dit qu'il y a beaucoup de créatures, malheureusement, qui font ça. Lorsque Allah leur font des grâces, ils sont trompés par ces grâces-là. Et ils se sentent fiers de ces grâces-là. Ils se vantent devant les autres créatures On dit, regardez, moi, ce que j'ai. Hein? Allah, il m'a fait beaucoup de grâce. Et il prend ça pour se vanter devant les autres et devenir orgueilleux et arrogant vis-à-vis des autres et s'enfler d'orgueil, hein? Et essayer d'écraser les autres et de se mettre au-dessus d'eux. Et ça, en réalité, celui qui agit comme ça, eh ben, yani, c'est quelque chose que Allah déteste. Mais il dit le cheikh, au contraire, Abraham, lui, plus Allah lui faisait de ses grâces, et plus il était reconnaissant envers Allah, et plus il adorait Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui possède des caractéristiques, hein, ces caractéristiques-là, parmi les caractéristiques du tawhid, hein, eh bien, parmi les caractéristiques d'Abraham, alors, il a concrétisé son tawhid dans ce cas-là. Il a concrétisé son tawhid, il a purifié son tawhid. Il dit donc, le cheikh, il donne une règle à suivre. Il dit, par exemple, prends ces caractéristiques, les cinq caractéristiques que Allah a mentionnées à propos d'Abraham. Prends ces cinq caractéristiques-là et compare-toi à ces caractéristiques-là. Regarde si ces caractéristiques-là par rapport à ta personne. Et demande-toi, est-ce que moi, j'ai réalisé et je possède ces caractéristiques? Est-ce que moi aussi, j'ai les caractéristiques que Abraham possédait? Et est-ce que je les ai mis en pratique en moi-même? Donc, le cheikh, il dit, si tu vois que ces caractéristiques-là sont présentes chez toi, alors ça veut dire que toi aussi tu as réalisé et purifié ton tawhid. Alors réjouis-toi de la promesse d'Allah dans ce cas-là. Il dit, toutefois, si tu constates qu'il y a en toi-même des manques ou des défauts ou des défaillances par rapport à ces caractéristiques, alors précipite-toi à te repentir et ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Essaie de combler les manques et essaie de réformer tes défaillances et tes défauts pour les corriger. Et si tu te repens à Allah, Allah va accepter ta repentance. Et il va revenir vers toi comme toi tu reviens vers lui. Donc ça, c'est des conseils très importants et très bénéfiques par rapport à ces points-là, parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle d'Abraham et de ses caractéristiques, il ne les mentionne pas juste pour nous dire que Abraham était comme ça seulement, c'est-à-dire pas juste pour glorifier Abraham, mais il mentionne, en plus de vouloir le glorifier, il le mentionne en plus pour qu'on essaie de l'imiter et pour qu'on essaie d'être comme lui, hein? C'est pour ça que Allah, il dit qu'il est un ummah, hein, et qu'il est un modèle, un imam. C'est pour qu'on le prenne comme un exemple et pour qu'on le prenne comme un guide. Donc, on doit essayer de l'imiter. Hein, on doit essayer d'imiter Ibrahim alayhi salam comme on doit essayer d'imiter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Naam. Donc, c'est sûr que nous, on n'est pas des prophètes. On n'est pas des prophètes, on n'est pas des messagers d'Allah. Mais on doit essayer de les imiter dans leur obéissance d'Allah, dans leur adoration, et d'essayer d'être comme eux. Hein, même si c'est certain qu'on ne sera jamais capable de les égaler ou d'être, hein, semblable à eux. Mais on essaie au moins d'être, hein, de suivre leur exemple. Ensuite, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il mentionne des explications de l'imam Ibn Kathir ou Al-Hafiz Ibn Kathir dans son tafsir, parce que vous savez que Ibn Kathir c'est un savant parmi les élèves de Ibn Taymiyyah, et il a expliqué le Coran dans un livre qui s'appelle Tafsir al-Quran al-Azim. C'est un des tafsirs les plus connus, les plus répandus dans les tafsirs des savants de l'islam à propos de l'explication du Coran. Et il dit ici, le cheikh, قال العماد ابن كثير رحمه الله: يمدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء بتبرئته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية، والأمة هو الإمام الذي يقتدى به، والقانت هو الخاشع المطيع، والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال: ولم يكن من المشركين. قال مجاهد: كان إبراهيم أمة، أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار. قلت: وكلا القولين حق، فقد كان الخليل عليه الصلاة والسلام كذلك. وقول مجاهد والله أعلم: لما كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام، فمدحه الله تعالى بتبرئته من المشركين. Donc ici le cheikh il explique que Cheikh Abd Rahman ibn Hassan il dit que l'imam ibn Kathir il dit: Allah glorifie son serviteur, son messager, son bien-aimé Abraham, le guide, hein, le guide et l'imam des monothéistes, des purs monothéistes, hein, qui était, c'est-à-dire l'imam des Hunafa. Le guide des Hunafa et l'imam des Hunafa. Et il mentionne son désaveu vis-à-vis des idolâtres et des mouchriquines, des juifs et des chrétiens et des majus. Le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit ensuite: ومن جميع طوائف المشركين واليهودية والنصرانية المحرفة ليست على دين إبراهيم عليه السلام وإنما حدثت بعده ليست على دين إبراهيم عليه السلام وإنما حدثت بعده ولهذا قال عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. فالذين يقولون إن اليهودية والنصرانية دين إبراهيم، بارك الله فيك، يكذبون على الله ويكذبون على إبراهيم عليه السلام. والمقصود أن اليهودية والنصرانية المحرفة أو المنسوخة المحرفة أو المنسوخة هذه ليست من دين موسى ولا من دين عيسى ولا من دين إبراهيم. Donc le cheikh il explique, il dit que Abraham il s'est désavoué de tous les groupes de mouchriquines et de toutes les catégories de mouchriquines. C'est pas seulement les gens qui adorent des idoles, hein. Il se désavoue de toutes les catégories et de tous les groupes de mouchriquines, même parmi les juifs et les chrétiens, parce que les juifs et les chrétiens, hein, sont des, la religion juive et la religion chrétienne sont des religions qui ont été déformées et falsifiées. Et elles ne suivent pas la religion d'Abraham. Elles ne sont pas en accord avec la religion d'Abraham parce qu'elles sont venues, hein, déjà, elles sont venues après Abraham. Ça, c'est déjà un exemple qui montre qu'elles ne suivent pas Abraham. Pas seulement parce qu'elles sont venues après, parce que quelqu'un peut venir après et être sur la religion d'Abraham. Mais le problème, c'est pas ça. Si tu regardes les prophètes, par exemple Moïse ou Jésus, eux, ils suivaient l'exemple d'Abraham. Ils suivaient la religion que Allah a révélée. Et ils suivaient la révélation que Allah leur a donnée. Donc, c'est pas le problème avec Moïse, Moussa, ou avec Isa, Jésus. Hein? Le problème, ce n'est pas avec les prophètes qui ont amené les messages et les livres. Le problème, c'est avec ceux qui sont venus après ces prophètes-là et qui ont déformé et changé le message de ces prophètes et de ces messagers. Et donc, c'est eux qui ont fait que ces religions-là deviennent des religions falsifiées, hein, et déformées. Et c'est pour cette raison-là qu'on dit que la religion juive et la religion chrétienne, aujourd'hui, même si eux, ils prétendent revenir à Abraham ou avoir un lien avec Abraham, ils ne sont pas sur la religion d'Abraham. Parce que les déformations et les changements qu'ils ont ramenés au message de leurs prophètes sont survenus par la suite et par conséquent, ces religions-là sont devenues des religions qui s'opposent à la religion d'Abraham. Et il dit, comme exemple, parce que eux, ils disent, nous, on suit la religion d'Abraham, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a démentis, hein, il les a démentis dans le verset 67 dans Sourate Al-Imran. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, Abraham n'était ni un juif, ni un chrétien, mais c'était un musulman, un hanif, hein, un pur monothéiste et un soumis à Allah, un musulman. Et il n'était point du nombre des mouchriquines. Donc, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne clairement que Abraham n'était ni juif ni chrétien. Et comment aurait-il pu être juif alors qu'il est venu avant la Torah et avant Moïse? Hein? Et comment aurait-il pu être chrétien alors qu'il est venu avant Jésus et avant les évangiles? Donc, il n'était ni juif ni chrétien. Hein? Mais c'était un pur hanif et un musulman. Parce qu'il était monothéiste dans le sens pur du terme. Il s'est désavoué de tout ce qui était adoré en dehors d'Allah et il était soumis entièrement à la volonté d'Allah. Il était un musulman, un musulman. Et ensuite, il dit dans le verset 65, dans Sourate Al-Imran, le verset qui précède celui qu'on vient de lire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en s'adressant aux gens du livre, « Ô vous qui avez reçu le livre, ou bien ô vous les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, pourquoi est-ce que vous essayez d'argumenter à propos d'Abraham, alors que vous savez très bien que la Torah et l'Évangile ne sont venus qu'après lui. Hein? Afala ta'aqiloun, n'avez-vous donc pas de raison pour réfléchir? » Donc c'est pour dire que parce que les juifs et les chrétiens ont reçu la Torah et ont reçu l'Évangile et que ces livres-là, après les prophètes qui les ont reçus, c'est-à-dire Moïse et Jésus, ces livres-là ont été déformés et falsifiés. Hein? Abraham ne peut pas faire partie de ces religions-là. Il ne peut pas faire partie ni du judaïsme, ni du christianisme. Déjà, il est venu avant. Même si les livres en question n'avaient pas été falsifiés ou changés, hein? Il ne faisait pas partie de ces religions-là parce que déjà, il est venu avant la révélation de ces livres-là. Et il dit, فَالَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ الْيَهُودِيَ وَالنَّصْرَانِيَ. Donc, ceux qui disent le judaïsme et le christianisme, c'est la religion d'Abraham, ils mentent à propos d'Allah. Ils mentent à propos d'Allah et ils mentent à propos d'Abraham parce que le cheikh, il dit que le judaïsme et le christianisme ont été falsifiés. Et soit elles sont falsifiées et abrogées, ou soit elles sont abrogées tout court. Hein? Soit elles sont falsifiées et abrogées, soit elles sont... Hein, il y a trois... Il mentionne les trois exemples, les trois possibilités. Soit qu'elles sont falsifiées, soit elles sont falsifiées et abrogées, ou soit elles sont abrogées seulement. Mais dans les trois cas, on ne peut plus les suivre. Hein, et dans les trois cas, elles ne sont pas la religion d'Abraham. Et ce ne sont pas les religions que Moïse, ni la religion de Moïse, ni la religion de Jésus, ni la religion d'Abraham. Le judaïsme et le christianisme, ce n'est ni la religion d'Abraham, ni les religions que suivait Moïse, ni les religions que suivait Jésus. Hein? C'est des religions qui ont été abrogées et falsifiées. Donc, ça c'est qu'est-ce que le cheikh a expliqué ici. Ensuite, il dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les caractéristiques d'Abraham dans le verset, on a dit que la première, c'était qu'il était une umma, et on a dit que la umma, c'est l'imam, celui qui est le guide et l'exemple à suivre, le modèle. La deuxième caractéristique, c'est qu'il était al-qanit. Donc, c'est celui qui est obéissant. Hein? Obéissant à Allah et humble. La quatrième caractéristique, c'est qu'il est al-hanif. Al-hanif, c'est celui qui se détourne intentionnellement du shirk vers le tawhid. Il se détourne intentionnellement du shirk vers le tawhid. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite dans la cinquième caractéristique, walam yakum min al-mushrikin, et il n'était point du nombre des mushrikin. Et le cheikh, il mentionne la parole d'un des savants, parmi les savants de tafsir qui fait partie des élèves des sahaba, c'est Mujahid. Mujahid était l'élève de Abdullah ibn Mas'ud, si je ne me trompe pas. Parmi les élèves des savants de tafsir des tabi'in, fait partie des tabi'in. Et il dit ici que la signification du fait que Abraham était une umma, c'est-à-dire que c'était lui seul qui était croyant à son époque, alors que tous les hommes étaient kuffars. Et en réalité, c'est ça que chacun d'entre nous, on devrait prendre comme exemple et comme modèle. L'exemple d'Abraham. Et donc, ça veut dire quoi, l'exemple d'Abraham? Ça veut dire que on devrait toujours se dire que même si tous les êtres humains sur Terre renient la foi, hein, nous, on va rester ferme et on va continuer à s'accrocher. Hein? Et souvent, je dis ça à mes enfants, je dis ça à, hein, parce que c'est une chose que je me souviens lorsque j'étais converti à l'islam au début, je me disais. Si je me convertis à l'islam et si je deviens musulman pour Allah seul, pas pour personne d'autre. Et ça veut dire aussi en même temps que même si tous les êtres humains sur terre abandonnent l'islam demain, moi je devrais rester ferme et rester sur l'islam et m'accrocher à l'islam jusqu'à la mort. C'est ça que ça signifie. Et je dis souvent ça même à mes enfants, je leur dis, tu vois, même si tes parents. Il s'égare, même si les gens sur terre, tous les êtres humains sur terre, ils s'éloignent du chemin d'Allah. Toi, tu dois rester sur la vérité et tu dois continuer à t'accrocher à la vérité. Peu importe qui te dit de suivre le contraire ou de faire le contraire. Donc, ça veut dire, toi, tu dois être comme Abraham et suivre l'exemple d'Abraham dans le sens qu'il était une umma. Et donc, toi, tu dois essayer de suivre cet exemple-là. Hein? Souvent, on voit l'exemple, il dit. Dans la parole de certains des prophètes que Allah a mentionné, wa ana awwalul muslimin, et je suis le premier à me soumettre, le premier des musulmans. Donc tu dois toujours essayer d'être dans cet exemple-là et dans ce modèle-là, hein, de pas regarder les autres, de pas attendre de voir qu'est-ce que les autres font, hein, par rapport à la foi ou la croyance. Tu dis, ah, mais il y a personne qui adore Allah, il y a personne qui fait la prière dans ma famille, je suis tout seul, hein. Si je prie, tout le monde va me regarder bizarre. Hein? C'est pas grave. C'est pas ça le problème. Hein? Toi, tu dois adorer Allah. Même si tout le monde est perdu, même si tout le monde est égaré autour de toi, accroche-toi à la vérité. Ne laisse pas le nombre des gens déviés, égarés, te troubler ou te mettre des doutes dans ta religion et dans ta fermeté et dans ta détermination et dans ta foi en Allah. Reste accroché à ta religion et à ta foi et au tawhid, peu importe qu'est-ce qui est autour de toi, parmi les gens ou les choses qui peuvent essayer de te dévier ou de te faire quitter le droit chemin. Et si tu restes accroché à ce principe-là, bi'idhnillah, par la permission d'Allah, tu vas, avec l'aide d'Allah, rester accroché et rester ferme sur ta foi jusqu'à la mort. Et le cheikh, il dit, donc, Abraham, c'est ça. C'était une nation à lui seul parce que c'était le seul croyant de son époque. Et tous les hommes qui étaient là, vivant sur terre à son époque, étaient tous des koufars et des mouchrikines, sauf lui. Hein? Donc, nous, on a la belle vie en réalité et on ne réalise pas. Hein? Pourquoi on a la belle vie? Parce que tout le monde autour de nous, hein, on a plein de croyants avec nous, plein de musulmans avec nous, hein, qui nous supportent, qui nous soutiennent, qui nous encouragent, qui nous aident, hein, dans la foi. On vient à la mosquée, hein, il y a plein de musulmans qui prient avec nous quand on fait la salat. Lui, il était tout seul. Il n'y avait personne. Hein? Même le prophète Mohammed, quand il a commencé sa da'wah, il était tout seul. Il n'y a personne qui croyait en l'islam avec lui sur terre. Imaginez ça. Hein? Imagine que tu es le seul croyant sur terre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as à faire? Hein? Quand tu pries tout seul. Hein? Quand tu fais tes adorations, tu fais tes adorations tout seul. Il n'y a personne croyant avec toi. Hein? Ça, c'est difficile. Ça demande beaucoup de force, beaucoup de détermination, beaucoup de persistance. Eh bien, c'est comme ça qu'Ibrahim était. Et c'est pour ça qu'il était un si grand prophète et un si grand homme. Parce que il a fait preuve de foi, de détermination. Et il était ferme malgré qu'il était le seul à défendre le tawhid. Tous les gens autour de lui faisaient le shirk. Tous les gens autour de lui adoraient les idoles. Tous les gens autour de lui, hein, s'opposaient au tawhid d'Allah. Et lui, il était le seul à dire la ilaha illallah. Que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Hein? Donc ça demande de la fermeté et de la force. Et c'est ça que nous, les musulmans, aujourd'hui, on doit avoir aussi. Surtout à notre époque. Parce que même si, comme on l'a dit, il y a beaucoup de musulmans autour de nous, et il y a beaucoup de gens dans tous les pays maintenant, des gens qui croient en l'islam, sauf que quand c'est le temps de défendre le tawhid, et de défendre le principe de la ilaha illallah, tu vois que beaucoup de musulmans sont faibles. Beaucoup de musulmans sont faibles et beaucoup de musulmans n'osent même pas parfois lever la voix ou lever la parole ou prendre position ou établir les preuves ou clarifier la vérité, hein, et dire qu'est-ce qui est vrai quand c'est le temps de l'expliquer. Par rapport à Allah et à sa religion. Donc ça demande de la fermeté, ça demande de la foi, ça demande de la sincérité, hein? Et ça demande avant tout aussi de la science. Il faut l'étudier, ce tawhid, pour le comprendre, pour le connaître comme il faut, avec preuve, avec clarté, avec basira, hein? Avec ilm. Donc le cheikh, il dit, et dans les deux cas, que tu le prennes dans le sens que la Ummah, c'est yani, dans le sens du modèle ou dans le sens de celui qui était le seul croyant à son époque et qu'il était une nation dans ce sens-là, dans les deux sens, c'est vrai. Hein? Parce que Ibrahim al-Khalil, hein, alayhi salam, le bien-aimé d'Allah, yani, comme le dit Mujahid, hein, que c'était le seul croyant à son époque. Oui, au début de sa da'wa, au début de sa prophétie et de son message, personne ne croyait, sauf lui. Puis après, il y a eu des gens qui ont accepté son message et qui ont accepté sa da'wa. Hein? Et malgré qu'il était seul, il se désavouait des mouchrikines. Donc, ça veut dire, le fait de vouloir se désavouer des mouchrikines et de dire aux mouchrikines, j'ai rien à voir avec vous. Hein? Et je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas relié à une question de nombre. Hein? Ça, c'est une chose importante aussi. C'est-à-dire que le fait de se désavouer du shirk et des mushrikines, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on doit faire quand on est nombreux. Quand on dit par exemple, ah, là, on est beaucoup les musulmans, là, on est une majorité dans le pays. Là, maintenant, on va se désavouer du shirk et des mushrikines. Non! Même si tu es toute seule, tu dois te désavouer du shirk et des mouchrikines. Même si tu es toute seule. Hein? Parce que c'est ça qui est impliqué par la da'wa à Allah. Mais maintenant, aujourd'hui, parmi les musulmans, il y en a. Ils sont dans un pays, parfois c'est la majorité de toute la population, 99% des habitants qui sont musulmans, et ils ne sont pas capables de se désavouer du shirk, certains d'entre eux. Hein? Ils ne sont pas capables de se désavouer du shirk et des mushrikins. Ils disent, non, nous on aime les religions, on aime toutes les religions, on aime toutes les religions, on respecte toutes les religions. Ça, c'est pas permis pour un musulman. Tu dois dire comme Abraham, hein? Innani bara'un mimma tushrikun. Hein? Innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani innahu sayahdin. Je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté celui qui m'a créé. Hein? Et je respecte pas vos idoles et vos ce que vous adorez en dehors d'Allah. Tout ce que vous adorez en dehors d'Allah est batil. Hein? C'est ça l'attitude du musulman. C'est ça l'attitude du mouahid, hein? Du croyant. Il doit rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Hein? Et toutes les idoles, et toutes les fausses croyances, et toutes les fausses religions, il est ordonné par Allah de rejeter ça. Même s'il est tout seul sur terre. Même si tous ceux qui font le shirk, c'est ses parents, sa famille. Hein? Subhanallah. Ça, c'est ça le tawhid, c'est ça. Et le cheikh, il dit, Naam, donc, Ibrahim alayhi salam, au début de sa da'wa, il était tout seul. Et Allah l'a glorifié parce qu'il s'est désavoué des mushrikines. Et ensuite, le cheikh, il dit, كما قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Hein? Donc, ici le cheikh il mentionne le verset 41 et 42 dans sourate Maryam. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne l'exemple d'Abraham lorsqu'il parle à son père. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et mentionne dans le livre Abraham, certes, c'était un véridique parmi les prophètes. Hein? C'était un véridique et un prophète. Et il dit, et lorsqu'il dit à son père, ô mon cher père, pourquoi est-ce que tu adores ce qui ne peut ni entendre, ni voir, et qui ne peut rien te profiter en quoi que ce soit? Voyez comment il lui fait la da'wa au tawhid, voyez comment il lui parle du tawhid d'Allah, et comment il le réfute sur le shirk qu'il est en train de commettre avec les idoles. Donc il lui dit, ô mon cher père, ô mon père chéri, hein? Pourquoi tu adores ce qui ne peut ni entendre ni voir et qui ne peut rien te profiter en quoi que ce soit? Subhanallah. Hein? Pourquoi tu adores ça? C'est un objet. Et là, cet objet qui peut rien faire pour toi, et là, elle peut ni voir, ni entendre, ni parler, elle peut rien profiter. Ni en bien, ni te protéger d'un mal, ni te faire un bien. Rien du tout. Hein? Alors pourquoi tu l'adores? À quoi ça sert? Hein? C'est quoi la différence entre une roche et cette idole? Aucune différence. Les deux, c'est la même chose. Hein? La seule différence, c'est que vous l'avez gravé ou quoi. Donc, ça, c'est la da'wa au tawhid. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit, As-Siddiq, هو المبالغ في الصدق مع الله ومع الخلق فلا يصدر عنه كذب أبدا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله حتى يكتب عند الله صديقا ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit Abraham comme étant un siddiq. Et siddiq, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui est, yani, extrêmement véridique. Extrêmement véridique avec Allah et avec les créatures. De façon à ce qu'il n'y a jamais aucun mensonge qui sort de lui. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith rapporté par l'imam muslim. Il dit, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme, il va continuer à être véridique et à se forcer à être véridique jusqu'à ce que Allah l'écrive comme étant un véridique. Et il dit, tandis que un autre va dire des mensonges, il va se forcer à dire des mensonges et à chercher le mensonge jusqu'à ce que Allah l'écrive auprès de lui comme étant un menteur. D'accord? Et donc, dans le hadith, ça dit au début, parce que là, le hadith, c'est juste une portion, mais ça dit, يعني إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإياكم والصدق وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. C'est-à-dire, faites preuve de véracité et soyez véridique, car la véracité amène au bien et le bien amène au paradis. Et pour le mensonge, il a dit, et prenez garde au mensonge, car le mensonge amène à la perversité et la perversité amène à l'enfer. Et l'homme continuera à mentir et à se forcer à mentir jusqu'à ce qu'il deviendra auprès d'Allah comme étant écrit comme étant un menteur. Donc le mensonge, c'est extrêmement dangereux, extrêmement grave, et être véridique, c'est extrêmement louable et glorifiant. Après, il mentionne qu'il a dit ça à son père. Il a dit à son père, « Oh mon père, pourquoi tu adores ce qui ne peut ni entendre ni voir et qui ne peut te profiter en quoi que ce soit ?» Après, il dit, « وقوله وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمُ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمُ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi son parti, il y a Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire, parmi son parti, il y a Abraham? Ça, c'est quel verset? Ça, c'est le verset 83 et 84 dans Barakallahu Fik. 83 et 84. Il n'y a plus de mouchoir. Hein? Non, c'est ça. 83 et 84 dans Surat As-Saffat. As-Saffat. Oui, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans le verset 75 de Abraham. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. Donc ça c'est pour expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset que le cheikh il a mentionné dans le livre ici, c'est le verset 83 et 84, il dit, et du nombre de ces, il dit, co-religionnaires. Mais en réalité, si on le traduisait littéralement, ça voudrait dire « Et du nombre de son parti, certes, fut Abraham. » Et il parle de quel parti? Il parle du parti des prophètes, puisque le prophète qui est mentionné juste avant lui, dans le verset 75, c'est Noé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de Noé alayhi salam. Il dit « Noé, en effet, fit appel à nous, qui sommes le meilleur répondeur. » Hein, qui exauce les prières. Et nous le sauvâmes, lui et sa famille, de la grande angoisse. Et nous fîmes de sa descendance les seuls survivants. Et nous avons perpétué son souvenir dans la postérité. Paix sur Noé, dans tout l'univers. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Il était certes un de nos serviteurs croyants. Ensuite, nous noyâmes les autres. Et là, c'est là qu'il dit « Wa inna min shi'atihi la Ibrahim » et de son parti, c'est-à-dire le parti de Noé, certes, fut Abraham. Donc Abraham fait partie où il est du nombre de ceux qui sont dans le parti de Noé. Hein? Il est dans le parti de Noé. Pourquoi? Parce que c'est quel parti? C'est le parti des prophètes, la Shia des prophètes. Et le mot Shia, hein, ça veut dire un parti. C'est ça que ça veut dire à la base. Et ce n'est pas un mot qui est péjoratif en soi par rapport à cet exemple-là. On le voit clairement puisque Allah, il dit que Abraham est du parti de Noé. Hein? Min shi'atihi. Et même à l'époque des Sahaba, le mot shi'a, hein, qui est maintenant devenu considéré comme étant un terme péjoratif. Pourquoi? Parce que il est associé à la secte qu'on appelle la secte des chiites, hein, Shia. Et au début, lorsque il y a eu des conflits au début entre les Sahaba, certains étaient avec Ali et d'autres avec Muawiya. Et on disait à ce moment-là Shi'at Ali et Shi'at Muawiya. D'accord? Mais ça n'impliquait pas du tout rien de péjoratif et ce n'était pas des sectes. Hein? C'était seulement une divergence d'opinion par rapport à la façon de régler un problème quelconque. Hein? Et Ali, il avait une position et Muawiya avait une autre position. Parce que Muawiya, radiyallahu anhu, hein, il était un des proches de Othman, radiyallahu anhu. Il fait partie de sa famille, de Othman, radiyallahu anhu. Et lui, il voulait qu'on attrape et qu'on punisse tout de suite les responsables de la mort de Othman, ceux qui l'avaient assassiné. Hein, parmi les Khawarij. Tandis que Ali, radiyallahu anhu, lui, il considérait que non, avant, il faut établir le khilafa, hein, c'est-à-dire régler les questions qui ont rapport avec la succession, et une fois que ça s'est réglé, après, on va s'occuper des criminels et des responsables. Puis, il y a eu des petits conflits à cause de ça, des différences d'opinion et de jugement entre les Sahaba, radiyallahu anhum, et on disait Shi'at Ali, Shi'at Muawiyah. Mais ça n'impliquait pas du tout qu'il y ait des divergences dans la croyance ou dans la pratique de l'islam. Non. Les croyances divergentes et la divergence dans la religion, quand est-ce qu'elles sont apparues? C'est avec Abdullah ibn Saba, le juif yéménite qui s'est prétendu musulman, hein, et qui s'est présenté comme étant un musulman de façon hypocrite, et qui a commencé à introduire et à propager des fausses croyances parmi les musulmans pour diviser les musulmans. Et c'est de là que, par la suite, après la mort de Hussein, radiyallahu anhu, que la secte qu'on appelle les Shia sont vraiment apparus. Mais même les ulama de Ahl Sunna, ils refusent. Hein, ils refusent de les appeler Shia Pourquoi on ne les appelle pas chiites seulement? Parce que chiites, ce n'est pas péjoratif. Les chiites eux-mêmes s'appellent chiites parce qu'ils savent justement que le terme chiite en lui-même, il n'est pas péjoratif. Mais on les appelle plutôt des rafidas. Des rafidas. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont refusé la sunna, qui ont rejeté la vérité. Et ainsi de suite. Donc, on les appelle des rafida. Et quand on les appelle rafida, ils n'aiment pas ce terme-là. Hein? Ils refusent qu'on les appelle des rafida. Pourtant, ce sont des rafida. Et ils ont refusé l'islam. Ils ont refusé le tawhid. Ils ont refusé la sunna. Ils ont refusé les sahaba. Donc, on les appelle des rafida. Et ici, on voit donc. Comme le cheikh il dit, wa inna min shi'atihi. Il dit shi'atuhu yani atba'uhu. Wa hadha ma'na shi'a fi al-lugha. Wa inna min shi'atihi ay shi'atu Nuh alayhi salam. Lamma dhakara Allah qissata Nuh awwal ar-rusul alayhi salam qala wa inna min shi'atihi ay atba'ihi ala dinihi Ibrahim. Wal rusul kulluhum alayhim as-salatu was-salam. دينهم واحد وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك عبادة ما سواه والبراءة من الشرك وأهله هذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا أما اسم الشيعة في الوقت الحاضر ينسب للذين ينتحلون الانتساب إلى أهل البيت ومحبة أهل البيت وهذا السلاح حادث وشعار مبتدع لأن كل المسلمين والحمد لله يحبون أهل البيت المستقيمين على طاعة الله ويوقرونهم ويكرمونهم ويعرفون قدرهم وهذا ليس خاصا بالشيعة بل الشيعة يكذبون ليسوا شيعة لأهل البيت هم يخالفون أهل البيت فأهل البيت أهل توحيد وعقيدة وأهل دين والشيعة الآن مشركون ومبتدعون. Donc le cheikh, c'est ça qu'il explique ici, il dit le terme chiite, quand on dit les chiites de quelqu'un, ça veut dire ceux qui le suivent. Hein? Et donc ici, dans le sens linguistique, le terme chiite signifie les fidèles de ou les ceux qui suivent. Hein? Et ici, il s'agit des chiites de Nuh. Donc ici, pourquoi Allah mentionne le terme Shia? C'est pour désigner justement par rapport à l'histoire de Noé qui est mentionnée en premier, parce que c'est le premier des messagers. Et il dit, et parmi ceux qui sont ses fidèles, ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire qui ont suivi l'exemple de la religion de Noé, il y a Abraham. Donc, ici, le terme Shia signifie ceux qui ont suivi la religion, celui qui a suivi la religion de Nuh alayhi salam. Pourquoi? Parce que en réalité, tous les messagers ont tous suivi la même religion. Tous les messagers sont dans le même Shia, sont tous dans le même parti, sont tous des fidèles les uns des autres, c'est-à-dire ils sont tous sur le tawhid, le fait de rendre l'adoration exclusive à Allah et de délaisser l'adoration de rejeter l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de se désavouer du shirk et des gens qui pratiquent le shirk. Donc ça, c'est la religion des prophètes, alayhim salat wa salam, et ils ont tous accepté cette religion-là et ils ont tous appelé à cette religion-là qui est le tawhid. Et il dit, tandis que le terme shi'a à notre époque, eh bien, il est employé pour désigner un groupe parmi les sectes déviées, comme on disait tout à l'heure, de ceux qui prétendent appartenir ou suivre la famille du prophète, ceux qu'ils appellent Ahlul Bayt. La famille du prophète, on les appelle Ahlul Bayt. Ceux qui ont un lien de parenté avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on appelle Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, si on traduit littéralement, ça veut dire les gens de la maison. Les gens de la maison, en voulant dire la famille, les proches, ceux qui sont proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que le terme Shia dans ce sens-là, pour dire ceux qui suivent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un terme innové. Et c'est un symbole ou un slogan de l'innovation. Et il dit, le cheikh, que pourquoi c'est une innovation? Parce que tous les musulmans, sans exception, aiment la famille du prophète qui sont sur le droit chemin. Parce que pourquoi on spécifie parmi ceux qui sont sur le droit chemin? Parce que parmi les proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a ceux qui ont été croyants, puis il y a aussi des kuffars. Il y a ceux qui ont été sur la sunna, il y a ceux qui ont été sur la bid'a. Par exemple, Abu Lahab, hein, Abu Lahab ou Abu Talib, c'était des mushrikines. Pourtant, ils font partie de Ahlul Bayt. Hein? Est-ce que tu vas dire que tu dois les aimer et les respecter? Non, parce qu'ils n'étaient pas croyants. Et parmi les descendants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui ont suivi la sunna et qui ont été sur le droit chemin, tandis qu'il y en a d'autres qui ont dévié et qui ont été sur la bid'a. Donc, nous, ceux qu'on doit aimer et respecter, c'est ceux qui ont suivi l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui étaient sur l'islam. Donc, ceux qui ont été droits sur l'obéissance. Ceux-là, on doit les respecter et on doit les honorer et on doit leur reconnaître leur valeur et leur statut. Et ça, c'est pas spécifique, c'est pas quelque chose qui est spécifique aux chiites, dans le sens que c'est pas seulement les chiites, hein, qui aiment la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit en réalité même, les chiites, ils prétendent aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la vérité, c'est qu'ils ne les aiment pas du tout. Hein, ce sont des menteurs. Pourquoi? Parce que eux, ils pensent que d'aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire de les adorer. Ils pensent que si tu les adores pas, ça veut dire que tu les aimes pas. Si tu les prends pas comme des égaux avec Allah et que tu les adores pas en dehors d'Allah, ça veut dire que tu les aimes pas. De la même manière que les chrétiens, par exemple, considèrent que tu crois pas en Jésus si tu n'adores pas Jésus ou si tu dis pas de lui qu'il est fils de Dieu. Eux, ils disent, si tu dis pas qu'il est fils de Dieu et que tu l'adores pas, alors tu n'as pas cru en Jésus. Nous on dit non, c'est faux. Hein? On croit en Jésus, sauf que c'est un prophète et un messager, et c'est interdit de l'adorer. Et c'est interdit de croire qu'il est fils de Dieu aussi, ou qu'il est Dieu lui-même, ou Dieu incarné, ou qu'il fait partie de la Trinité, ou qu'il y aurait une Trinité. Hein? Tout ça c'est du kufr, c'est de la mécréance et de l'idolâtrie. Et la même chose pour Ahlul Bayt. On les aime, on les respecte. Hein, on les honore, mais on n'a pas le droit de les adorer, hein, ou de les élever à un degré au-dessus de celui dans lequel Allah les a placés. Hein. Et celui qui les adore, il est mushrik et kafir, même s'il prétend qu'il les aime ou qu'il les respecte. Donc, ils contredisent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne suivent pas la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, même s'ils prétendent qu'ils les aiment, eh bien, ce n'est que du mensonge en réalité. Hein? Et il dit le cheikh, les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les gens du tawhid et de la aqida et de la religion. Tandis que les chiites, eux, aujourd'hui, sont des mushrikoun et des innovateurs. Hein? Ils font partie des gens du shirk et leur religion, c'est d'adorer les tombes, d'adorer les morts. Et de faire les pèlerinages à leur tombe. Ils font le pèlerinage à la tombe de Hussein, radiallahu anhu, et la tombe de Ali, à Karbala et à Najaf. Chaque année, ils font des pèlerinages là-bas. Et ils font les pèlerinages aussi aux autres tombeaux des autres imams, des descendants de Ali, radiallahu anhu. Ils en ont une douzaine. Chaque année, ils font des pèlerinages à leur tombe et ils les adorent en dehors d'Allah. Ils font du shirk avec eux. Donc tout ça, c'est de l'égarement. Donc ils ne sont pas du chiite, des chiites de Ibrahim, ceux-là. Hein? Ils ne suivent pas l'exemple d'Ibrahim, ils ne suivent pas l'exemple de Nuh, alayhi salam, ils ne suivent pas l'exemple de Ali, radiallahu anhu, ni de Hussein, radiallahu anhu, ni de Fatima, radiallahu anha, et ni hein, des sahabas. Déjà, ils insultent les sahabas. Ils traitent les sahabas de kuffar. Hein, et ils adorent hein, des gens en dehors d'Allah. Donc ça, c'est du shirk. Donc ces gens-là n'ont aucun rapport avec l'islam. Ni de près, ni de loin. Et leur religion, c'est basé sur l'innovation. Hein, c'est la bid'a qu'ils pratiquent.